pas retourner en rond dans ma maison à perdre la raison. Mais je m'en fous, moi je m'en fous, moi je suis fou debout. Africa dans mon sang, drums in my head. Vibration positive, music is here. La liberté n'a pas de prix, je n'oublie pas ma chance. Chico boom boom, chico boom boom, chico boom boom dans ma tête. Chico boom boom, chico boom boom, chico boom boom dans mon âme. Plus je donne, plus tu donnes, mais quand tu donnes, tu donnes. Trop tendu, temps perdu, c'est perdu. Sans toi le groove n'est plus là, sans toi la lumière ne vient pas. La musique m'appartient pas, je suis juste son messager. Lorsque mon âme rarement est en paix, transparente et limpide comme l'eau claire des torrents. Attendre, toujours attendre, dépendre, toujours dépendre. Avec toi au moins il ne faut pas se défendre. Pour te prendre, pour te charmer, il faut plutôt se détendre. Éveil de mes sens, grâce à toi j'aime le silence. Tu es mon essence, ma renaissance. Même s'ils disent qu'il est fou, d'oser vous aimer vous, moi je veux bien être ce fou. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans ma tête. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans mon âme. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans ma tête. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans mon âme. Celui qui est libre, qui parle avec le monde libre. Vous c'est vraiment vous de vous dire vous. Vous c'est vous qui me rendez fou. Dans ma maison à perdre la raison et à tourner en rond. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans ma tête. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans mon âme. Chico boum boum, chico boum boum, chico boum boum dans ma tête. Chico boum boum, chico boum. Chico boum boum dans mon âme. Dans ma tête. Dans mon âme. Dans ma tête. Chico boum boum, chico boum.